Bonjour à tous, vous allez bien dans l'émission Conlambi, le premier dimanche de chaque mois consacré aux musiques jeudi. On vient de démarrer l'émission avec un inédit de Spirit Up Trio. En fait, c'est un trio composé de Jimmy Felvia, Thomas Bellon, JP Groove, et en fait, c'est le deuxième album de Jimmy Felvia. Vous avez entendu ce sample de Jeune Mona flotter, c'était sur le titre Oxygène, premier titre de l'album Spirit Up Trio, avec entre autres invités Izzy Kenenga, Jean-Michel Rotin, Métis Afoura des États-Unis. Je vous conseille d'aller le chercher, il est déjà disponible. On va poursuivre avec un autre trio, cette fois Tismé, McFla et Mimi Nelzi pour du hip-hop créole. Mimi Nelzi à la production, Tismé, McFla au micro pour Lianage. Yeah, yeah, McFla, Tismé, Mimi Nelzi. Yeah. Et les peps qui ont fait, c'est si internet ça qu'a fait. À l'époque, c'est si des cassettes qui maquettent et qu'a fait. C'était avant réel du Geeks, Vili Rap, un show bête. Avant hip hop, fini en dot, souti à la bête. Si ou bien garder Bouga, ou pas gué changer reset. Kabla ou now, qu'on a ou fla ou capiché si reset. Allez, qui les MCV intégrer la jet set. Ça pas te guette, prévoit qu'un ambit est qu'on s'en fait. Système là qu'a vendre, tout ça qui ni à vendre. Tu nommes qu'a vendre, fais ça ou vle. Songez c'est quoi d'ayam, qui t'a marre yam, si en moins toujours ni flamme. Mais dis-moi qu'a ou t'es comprendre, c'est bon, j'y vois y'en qu'a fait, y'en bafé. Des gens vient à descendre. Pour bas, on le force, qu'on ginseng et j'en j'en bas, tu joues c'est fait. Mais il pas fait tap, y'a mon outon. Si c'est mes macs flas ensemble, si son ami mi qu'a descendre. Gardez en ciel, voyez sans, mac la cabrille qu'on chante quand. Si c'est mes macs flas ensemble, si son ami mi qu'a descendre. ensemble. Gardez le ciel, voyez ni son, mac la cabri les conchants quand. Dis-moi, mac flan ensemble, si son abîme est cadé sans. Gardez le ciel, voyez ni son, mac la cabri les conchants quand. Ça qu'a fait de l'année, que nous vînes assembler. Je dis, si on cède, nous vînes rassembler. Faut que nous te l'année, parce que nous qu'assembler. Ça fait sans nous mander, écoutez pour pétarder. Hip-hop connexion, pour toute collection. Réelle correction, wax sans protection. Si ni confrontation, manchette et projection. Nous passons à l'action, projet en confection. Vent à l'amitié, qu'a soufflé coalisé. Dans mon péché dévié, chimé la balisé. Vibration changée, nous j'ai canalisé. C'est nous en cas songer, en cas analysé. Mimi a si bic là, nous dé a si bic là. Fina si refit là, pour monde la street là. C'est un qui bon principe, qui ni en équipe là. Toujours fait bon musique, c'est ça qui est tic là. Dis mes macs ensemble, si soir mini ka descend. Gardez un ciel, voix ni son, mac la cabri les conchants quand. Dis mes macs ensemble, si soir mini ka descend. Gardez un ciel, voix ni son, mac la cabri les conchants quand. Nous sommes pris dans une matrice sous le néo est colonialiste. Le fléau source de bénéfices, le très haut ne compte plus les vices. Ni le nombre de crimes perpétrés en son nom. De quoi croire à la fin des temps, de quoi croire à l'armageddon. Mes garçons, on reste positif, on soit un système auditif. Avec un jus de rime PI garanti sans additif. Y'a plus de dilemme, on dit la musique qu'on aime. Dans notre domaine, sans faute, on assemble phonème. Hip-hop réserviste, toujours prêt pour le service. Dis-moi qui arrive avec du vif quand les couleurs ternissent. M2E deux fois, retiens l'œil à silette. Mimi-Nels donne le son, garçon, respecte l'architecte. Ni en célébration, à unification. Pour nous, moi, affection, ni signification. Nous assis en mission et multiplication. À chaque nouvelle chanson, c'est édification. Nous n'est toute attitude, pour y'a une attitude. Chanter sans lassitude, sous n'importe latitude. Toujours même attitude, et ça peut changer. Rete mobilisé, qu'il t'il en danger. Nous peut qu'y arrêter, pression nous qu'a mette. Les chaînes nous qu'a pété, Guada nous qu'a arrêté. C'est concrétisation, allez nous qu'a fêté. Nous pas là pour tailler, nous la pour péréter. Dis mes macs ensemble, si soir mini ka descend. Gardez un ciel, voix ni son, mac la cabri les conchants quand. Dis mes macs ensemble, si soir mini ka descend. On remercie tous les artistes, toutes les équipes des artistes qui nous envoient des morceaux pour l'émission, pour alimenter l'émission Musique Jeudi. On poursuit avec encore un inédit, c'est un projet qui est sorti, je crois, il y a deux jours. Le compositeur s'appelle Sir Cree, son projet vient tout juste de sortir, c'est un EP en libre téléchargement. Allez sur son site Bandcamp, en featuring Sébastien Drumeau et le titre Normal. Oh, Sirkri, S-I-R-K-R-I, tout jeune compositeur, un brin expérimental. Allez chercher son projet, vous pouvez le trouver sur le Bandcamp du collectif Noir City. On poursuit avec une grosse collaboration, Martinique, Sainte-Lucie, Zaki Jones, Matt General, Joe Caddy, sur le titre Game Over. La fois faut y trouver. C'est pas la peine d'aller trop loin si c'est pour y tourner. Ou qu'à mettre les corps dans la peine ou la carte est primée. Ou la vie off, nous la vie on, tant jacalé. La beau essayer tout, solution mais où j'avoue. Bah où ça game over, game over. On l'a posé, si faut c'est moi qui a gardé la télé. On peut pas quoi, ça m'a gardé, ça m'a dégoûté. Nous la cavise dans l'opulence et dans la vanité. On entend, tu m'as gamin, y'a pas ni manger. On a beau essayer tout. Solution, mais y'a j'avoue. Bah y'a ça game over. Game over. City of tomorrow's fight, fighting for. Look how life is getting hard, hard for sure. Get a youth, the one of these tribe, and they see more. Police that don't do the job, oh yes for sure. Everybody got a mission to complete. How it ever be, tell me what it is. Everybody got a mission to complete. How it ever be, tell me what it is. Game over. Nous nous caillons, quand j'ai son pas prenez des détails. Tous ces necks pas mis, c'est pas pour faire, j'en fais des caillis. La vie j'en tout, c'est pas molli qu'à molli. Faut qu'il est béni, rébattre pour pas finir trop bas. Même si on s'a au chali des gars, quand j'ai fini ça, fouille au sac, tous ces combats. Imaginez où n'est côté qu'on gaz à aucun combat. N'est pas joué tout seul, la femme pour y trouver. C'est pas la peine d'aller trop loin, si c'est pour y tourner. Ou qu'à mettre les corps dans la peine, ou la qu'à déprimer. Ou la qui offre, nous la qui offre, tant jacalé. Ou j'avoue essayer tout, solution mais où j'avoue. Là où ça game over, game over. On l'a posé, si vous êtes moins qu'à garder la télé. On fait pas quoi, ça m'en gavouette, ça m'en dégoûté. La cabine dans l'opulence et dans la vanité. Pendant ton travail qu'à moi y'a pas l'y manger. Y'a beau essayer tout. Solution meilleure j'avoue. Bah y'a ça game over. Game over. Zaki Jones, Matt General, Joe Caddy, Game Over. On termine en fait cette sélection de nouveautés qui introduit chaque émission. Musique jeudi, panorama des musiques contemporaines en provenance des Antilles principalement. Avec la très grosse nouveauté de ce mois, c'est le nouveau Cassav, le titre Songer, en hommage à Patrick Saint-Éloi, Jean-Philippe Martelly au chant. Alors écoutez ça, c'est un morceau qui a été offert très généreusement par Cassav sur leur site. Je ne sais pas s'il est toujours disponible, allez le chercher, mais en tout cas l'album sort très bientôt. Cassav, Songer. Mwen ka sonje tout sa nou partaje. Nou teni menm laj, menm rêv. E pi menm pasyon. Pou te voye sou klan monte. chante parole qui fait mon rêve. Mélodie qui fait chayo chavire. Puis j'en dis y'a y va y aller. Y quitte nous là qu'à pleurer. Un soldat, oh, oh, soldat qui t'a vaillant tombé en combat. Les étoiles qui disparaissent au ciel tout clair. Puis les étoiles filées pour aller porter un bras bondé. Toujours une sélection au début de chaque émission. À l'instant, c'était Nouveau Kassab. On rappelle qu'on a joué jusqu'ici Spirit Up Trio, nouvel album de Jimmy Felvia, un inédit de Tismé McFla, Sir Cree et Sébastien Drumeau, Zaki Jones, Matt General, Joe Caddy et enfin Kassab. Aujourd'hui, nous avons plusieurs invités avec nous. Ils se prénomment Jasmine Doré, La Gâchette. On va démarrer tout de suite avec un inédit de Jasmine, le titre We Can Do It, remix avec Edson X en featuring. Talk to me, girl. La cagade ou bien pour tant qu'il y a un temps, girl. X line again. GCG. Feel like there are no issues. Refuse. Don't lie. I know you feel a bit confused. Refuse. Baby, let the groundwork crumble down. I see you think too much and now you're getting fallen situation. All we gotta do is to start another session. We can do it, just you and me. Do it, you know we can make it now. We can do it, just you and me. Do it, you know we can make it now. Start to breathe. Feels good. It's good, girl. Don't lie. I can hear the sound of your heartbeat. Feels good. Feels good, girl. Baby, no solution means there is no problem. Easy together, we can master all of them. Trust me, I can carry more than you believe. Just give me the keys to give you what you need. Baby, tell me. Do it, you know we can make it now. We can do it, just you and me. Do it, you know we can make it. preuve vivante que faut pas coûter tout seul l'homme qu'a raconté. Je dis ni cette merveille dans le monde aller en save, je mal compté. Sous ton droit quand t'es toxicomane ou alcoolique, bon tes beautés classe ou ambiance sans pâle copie. Un peu qui peut mettre mais un différent qui pas ni défaut, mais avant changer forme, un qui réfléchit à des fois vert. A fait garder plus loin au bio, c'est un côté à où on en doit venir tous comme si wow. En fait, où c'est tout son groupe, mais désiré, crayon à tes pieds taillés, joue la bonté dessinée. Si là, on s'en combat, on tombe dans le guet à part. Trappé tellement hématome, vous, la bonne. Sentimental en moins, 4 tombes, si et 4 tombes. Tellement épreuve, allez, j'y comprends, sans décathlon. Chaque fois, en cas c'est bien, en moins, c'est apprenant, t'es qu'à apprendre. En cas garder, on bien content, qui a attendu, qui a. Ma caga de rond bien content qui a attendu qui a. Ma caga de rond bien content qui a attendu qui a. Ma caga de rond bien content qui a attendu qui a. Vous avez peut-être vu la pub pour Irma, cet artiste qui en 2008 a été révélé via le site My Major Company en postant d'abord une vidéo sur YouTube et qui a en quelques jours a récolté les fonds pour produire son album avec près de 400 participation du public. Et moi, dans le même temps, j'étais tombé sur un article de Rue 89 intitulé « Internet, ce qui pouvait arriver de mieux à la musique ». De l'autre côté, les producteurs ne cessent d'accuser le web de tuer la musique via le piratage, etc. Et dans Conlambi, on se focalise évidemment sur la production locale. Et donc, le sujet du jour sera artiste local, alternatif, indépendant. Et les solutions, les opportunités aujourd'hui face à la musique, ce qui nous amène à Jazz, Jasmine, chanteuse guadeloupéenne qui il y a 2 mois s'est lancée sur le site Octo, si je prononce bien, avec une démarche plutôt inédite, la recherche de financement pour son projet Jazzy Town Tales. Et donc la première question, déjà bonjour Jasmine. Bonjour. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix peut-être je pense assez surprenant, en tout cas pour les artistes locaux, c'est pas forcément la première démarche d'habitude. Donc voilà, c'est pourquoi. Alors, tout simplement parce que j'avais prévu de bosser en France et les musiciens avec qui je voulais travailler, Doopsis et Exos, sont sur la Guadeloupe et au moment où ils arrivaient, il me fallait un endroit pour les accueillir, il me fallait une démarche artistique là derrière. On n'avait pas particulièrement de moyens. Et j'étais tombée sur une artiste qui s'appelle Julia Sina, qui avait justement financé son EP grâce à Site. Ça a été la première artiste à se faire financer par le site-là. Et elle m'a expliqué un peu le truc. J'ai regardé, je me suis dit, bon, pourquoi pas. J'avais plusieurs amis qui m'avaient déjà parlé de ça, mais bon, je me disais, comment la com, trouver les gens, à qui va lancer le lien, qui c'est qui va mettre de l'argent là-dessus. Et puis, bon, on s'est dit, allez, on essaye de toute manière, qui tente rien n'a rien. Et ça marche pas mal là, on a bientôt atteint la somme qu'il faut, il nous reste 10 jours, mais on y est presque. Bon, c'est déjà félicitations. Merci. Le compteur n'est pas resté bloqué à zéro. Non. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément, on va dire, la réalité de la musique aux Antilles, bon, aujourd'hui on va dire qu'on parle spécialement de la Guadeloupe et de la Martinique. Il s'agit donc de petits marchés un peu empêtrés dans un système assez classique, voire déjà obsolète par rapport à aujourd'hui. Donc on a des grosses tendances zouk dancehall et le système, on a toujours le single radio, la promo, les podiums, les prestations en boîte de nuit, etc. Et donc voilà, aujourd'hui on va discuter un peu de comment font ceux qui ne sont pas dans ces grosses tendances qui ont accès aux médias principaux. Et en plus de Jasmine, nous avons 2 autres invités, La Gâchette et Doré. Donc messieurs, bonjour à vous. Testez vos micros pour voir si on vous entend bien. Salut, bonjour. Nous sommes là. Ok, très bien, tout le monde est présent. Pour faire un tour de table, pour vous présenter, est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien de temps vous pratiquez la musique et quelle différence vous constatez entre le moment où vous avez débuté et aujourd'hui, en 2013, dans l'évolution, on va dire, du marché de la musique, des médias, des moyens de communication avec le public, etc. N'importe qui. Alors, bon, moi, c'est La Gâchette du groupe Bocaz. En fait, j'ai commencé en 96, mon complet de gens, en fait, un peu au lycée, artiste hip-hop, et puis maintenant, je commence à mélanger aussi la musique traditionnelle. Et en fait, depuis que j'ai vraiment commencé à faire de la musique, C'est vrai que je, comme tout le monde, en fait, j'étais au courant des majors. Au départ, certains ont des rêves, certains veulent absolument être signés. Ça, c'était dans les années 97-98, dans toute la grosse période notamment de rap français, où il y avait de belles signatures, où il y avait beaucoup de promos, il y avait vraiment une possibilité de faire quelque chose. Maintenant, on est en 2013, et c'est vrai que ça a changé. Il y a certaines plateformes, il y a Internet qui peut bouleverser des choses et qui peut offrir des possibilités. Je dis bien qu'il peut, c'est-à-dire que moi, je suis pas dans un discours qui va enjoliver les choses en disant que oui, tout est possible. Il suffit juste déjà d'avoir une stratégie et après essayer de placer ses pions, comme on dit, quoi. Et la major, maintenant, c'est limite nous, dans le sens où c'est vraiment à nous de faire les choses. Et maintenant, ce qui se passe clairement, juste pour terminer là-dessus, après je laisserai la parole à Doré, c'est que maintenant, tu ne peux pas... les gens ne viennent plus te chercher dans ta chambre, en fait. C'est à toi vraiment de faire, faire ton business, à savoir donc de créer certains supports vidéo, audio, peut-être faire des web-séries, enfin vraiment créer un univers autour de toi afin qu'il y ait des personnes qui écoutent ta musique. Et là, si en fonction justement de l'importance des personnes qui sont autour de toi, donc je parle des fans, des gens qui écoutent ta musique, il y a cette fameuse major qui peut venir ou pas. Après, c'est selon, je pense que c'est vraiment selon l'artiste. Il y a des gens qui peuvent être à l'aise en major, d'autres non. C'est vraiment au cas par cas. D'accord. Passons le micro. Bon, alors la question, c'est est-ce que ça va vraiment évoluer, c'est ça? Ça va vraiment changer? En fait, c'est plus pour ton rapport à la musique ou à la pratique de ta musique entre le moment où tu as démarré et aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un changement ou si ça se trouve, il n'y en a pas? À mon niveau, il y a un véritable changement parce qu'avant, bon, j'avais la tête un peu dans les nuages de la ZIC. Donc, j'entrais en studio, je faisais des trucs et je ne cherchais pas forcément à aller quelque part. Je me laissais diriger un peu par le flux. Là, c'est un peu la même chose, mais un peu canalisé différemment. Mon rapport avec la musique, il est beaucoup plus professionnel. Alors, j'essaie de rendre les choses plus carrées parce que je pars du principe qu'il y a des corps de métier qu'on respecte. Voilà, quand tu rentres dans une boulangerie, tu ne demandes pas à acheter de la viande. Okay. Donc, en musique, si tu proposes de la musique, il faut forcément faire ce qu'il faut pour que les gens puissent te respecter et non te donner une tape dans le dos et te dire super ce que tu fais, sinon à part ça. Et pour enchaîner à ce que disait la gâchette à propos des majors, moi je trouve que les majors ne cherchent même plus d'artistes, ils cherchent des concepts. Et il n'y a que des concepts qui fonctionnent. Donc tu t'amuses à travailler, à perdre des nuits de sommeil, à faire de la zik et essayer de faire des choses super propres, super pointues. Et puis tu as un gars en face qui te dit, bon, à part ça, t'as quel âge? Est-ce que t'as 17 ans? Parce que je te cherche pour un concept. Et à ce niveau-là, ça va être un peu chaud. Il y a moins de labels. Il y a moins de ghost machines parce qu'ils se sont tous fait bouffer par d'autres. En ce moment, il y a une sorte de politique qui règne, qui empêche véritablement de s'émanciper. Sur Internet, oui, on a la possibilité de faire des choses, mais il ne faut pas qu'on déconne. Parce que là aussi, c'est un nouveau terrain, mais ça veut dire que dans pas longtemps, ça va être saturé si on continue à faire n'importe quoi. Donc il faut travailler correctement, il faut respecter son public. Et effectivement, les gens ne viennent plus te chercher dans ta chambre, comme tu l'as dit, effectivement. Mais ils veulent bien si on leur donne les informations qu'il faut. Si on donne les informations qu'il faut, si on ouvre les portes et si on reste pas cloisonné dans des... Parce que bon, des fois, il y a des petits clans qui se créent, mais ça sert à rien, quoi. C'est parce qu'on est tous dans la merde et il faut d'une manière ou d'une autre qu'on se mette ensemble et qu'on essaie de faire quelque chose avancer. Et mon rapport avec la musique, c'est ça, quoi. C'est une sorte de prise de conscience que, voilà, quoi, je suis pas seul au monde. On est plusieurs et qu'il faut qu'on travaille de concert pour pouvoir évoluer et ouvrir les portes, quoi. D'accord, donc bien sûr il y a l'évolution du marché, mais aussi en parallèle avec l'évolution de chacun en tant qu'artiste. Exactement, tout à fait. Pourquoi j'ai employé le terme alternatif? Bon, c'est pas forcément le terme le plus heureux, mais c'était vraiment pour parler de ces artistes qui essayent de faire exister une musique qui n'est pas, on va dire, en tête d'affiche dans les médias. On peut dire que chacun dans vos styles respectifs, puisqu'on a là une bonne représentation de styles variés, vous êtes chacun dans des styles pas forcément très médiatisés, que ce soit ici à Paris ou au pays. Pourquoi ce choix ? Est-ce que vous faites cette réflexion ou est-ce que ça a été quelque chose de totalement naturel ? Ben pour moi, ça a été quand même quelque chose d'assez naturel parce que moi, je me prédisposais pas forcément à faire de la musique, mais j'ai toujours eu de la musique à la maison, les références parentales, la soul, musique française, hip-hop. Et j'ai toujours été moi-même une grosse mélomane et je suis assez difficile aussi dans mes choix musicaux. Et je me suis dit, moi, si je fais de la musique, je vais faire ce que j'aime, je vais faire ce que j'ai envie d'entendre. Je vais pas faire ce que les gens ont envie d'entendre ou ce qu'on a envie de passer à la télé en ce moment. C'est même si c'est une passion, on respecte son métier et on respecte également son public. Et je me vois pas commencer à lésiner sur les, enfin sur la qualité de ma musique juste parce que ben ça va me rapporter plus ou ça va me permettre de passer plus. Moi-même, je pourrais pas m'assumer dans la musique si je faisais pas des choses qui. Et c'est la soul et c'est le hip-hop qui ont toujours été mes moteurs et je me voyais pas faire autre chose quoi. C'est. Mais comment tu as senti que c'était ressenti par le public? Enfin déjà, bon, est-ce que tu es déjà allé au contact de ce public? Et comment, quel retour tu as? Est-ce que ça surprend positivement, négativement ce... Ben je pense que au jour d'aujourd'hui, finalement, on a un retour aux sources, même du point de vue du public, parce que eux-mêmes en ont marre d'entendre toujours la même pop, la même. J'ai pas particulièrement de problème avec ça parce que la musique c'est aussi fait pour se détendre. On n'est pas obligé d'écouter des trucs pointus. Mais les gens en ont marre, il y en a plus et ils ont besoin de bonne musique. Et en règle générale, je sais que peu importe le style musical de base, les gens, ça les ils se posent la question, ils disent tiens, ça change, une nana qui chante, ah c'est doux, c'est posé, ah tiens, ça rappe. Je pense que il y a vraiment un bon accueil dans le public. Moi, je pense que c'est la période maintenant, en ce moment, on est dans une période où on a envie de réécouter de la bonne musique. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre le public, on va dire, parisien, pour ceux qui sont ici, et celui aux Antilles ? Oui, il y a une différence quand même. Il y a une différence parce que déjà, on n'a pas les mêmes besoins, on n'est pas dans les mêmes priorités. Aux Antilles, c'est tout petit. Donc, après, il y a cet effet de mimétisme, ok ? Parce qu'on va suivre un peu ce que nous présentent les grands frères et, qui sont dans les grands continents comme l'Europe et puis l'Amérique. Mais il y a une différence quand même. Aux Antilles, en ce moment, les gens ont envie de sortir parce que pendant un moment, ça stagnait. Donc, ils ont envie de sortir, donc ils ont envie d'écouter autre chose. Mais en même temps, ils sont frileux parce qu'ils ont été tellement carottés au niveau des propositions. Donc ils tendent l'oreille, mais avant de sortir un pied, ils veulent des preuves, véritablement des preuves. Bon, sur la France, voilà quoi, c'est une mégapole. Hein. Donc il y a v'là du monde, il y a v'là des cultures, il y a v'là des musiques. Donc des fois, on se perd un tout petit peu dans tout cela. Et certains se calfeutrent derrière des images qui ne les représentent pas véritablement. Donc c'est clair, il y a une différence, il y a forcément une différence. Il y a une différence de culture, donc forcément il y a une différence. Donc il y a une demande qui n'est pas la même. La Gâchette, toi tu es un rappeur, tu rappes en créole, tu es basé à Paris. Quelle est ta réflexion par rapport à ça ? Est-ce que tu te dis que la langue ne compte pas, comme c'est un argument qu'on entend assez souvent ? Est-ce que tu te dis que du coup tu dois doser entre le créole, le français ? Est-ce qu'il y a une stratégie particulière par rapport à ça ? Bah déjà en fait pour moi il s'agit de juste d'être soi en fait. Et l'un qui parle les bas, l'un qui parle en créole, l'un qui parle en français. Donc de ça qui veut dire que musique qui est en français, qui est en créole. Et effectivement, j'ai sorti une première mixtape en 2009 où je voulais vraiment. C'était important pour moi en fait de faire quelque chose uniquement en créole parce que j'avais des choses à dire dans cette langue-là. Et puis même, je m'adressais à mon pays, aux gens du pays. Donc c'était une démarche naturelle. Mais à un moment, voilà, je peux être aussi amené à rapper en français. Dans d'autres morceaux parce que ça vient comme ça et puis même je pense que c'est aussi une forme de une sorte d'émulation aussi qu'il y a en fait on est enfin pourquoi se priver quoi c'est-à-dire que voilà je parle français je parle créole pourquoi ne pas mélanger les deux il n'y a pas si tu veux de stratégie pour moi la stratégie elle vient après quoi c'est se lâcher poser le son. À partir du morceau, on voit comment on peut travailler. Pour moi, c'est vraiment important de pas mettre les, de pas, avant de parler marketing, il faut parler artistique. Enfin, pour moi, ça ne marche pas. Sinon, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'agis. Je sais qu'il y a beaucoup de... Enfin, j'entends certaines histoires. Voilà, je sais qu'il y a des artistes qui ont besoin de passer genre en boîte de nuit ou dans certains créneaux. Il s'agit juste plus pour moi de lâcher une énergie. À partir de cette énergie-là, on voit ce qu'on peut en faire. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que je fais notamment avec Flexence. C'est ce que j'ai fait avec Siri des porteurs de gamme. Et puis c'est ce que je vais faire aussi dans les prochains mois par rapport à d'autres sorties avec Bocaz ou tout seul en fait. Tu as parlé du projet Flexence. On va écouter tout de suite une petite présentation de ce projet et on revient dessus juste après. Je m'appelle La Gâchette. Je suis un artiste hip-hop. J'aime ça. Ça. Ça aussi. Let's go. Bien sûr, cette grosse tuerie. En 2009, j'ai sorti une webtape, Siru les porteurs de gamme. Ce projet m'a permis de tourner dans plusieurs bars parisiens. J'ai été invité sur les scènes du New Morning et de la scène Bastille. En 2012, je présente Flexence, un show hip-hop basé sur les percussions vocales. Je ferai ce set dans les festivals, dans la rue et puis chez toi. Oui, oui, c'est ça. Tu me donnes le lieu, l'heure du rendez-vous, que ça soit un parc, le toit d'un immeuble, ton garage ou ton salon, j'arrive. Flexence, ça veut dire bouger, partir en créole. Alors je vais te faire décoller. Bamako, Pointe-à-Pitre, New York, Sao Paulo. Pour le prix d'une place de cinéma, je t'offre un billet multiple pour toutes ces destinations. Je viendrai avec mon instrument. J'utilise ma Loop Station pour construire en direct la musique. Je rapperai et de temps en temps je chanterai sur les boucles à l'intérieur de cette machine. Ah oui, autre chose. Si vous êtes 10 personnes à faire ce voyage, je ne viens pas seul. J'amène automatiquement un invité surprise. Flexence, projet de La Gâchette, qui a déjà tout expliqué dans ce petit jingle qu'on a entendu. Vous pouvez voir également la vidéo qui accompagne cette voix sur YouTube. La Gâchette, tu fais un projet qui consiste à aller dans le salon des gens pour réaliser un concert. C'est un concept qui surprend en général, qui lève beaucoup de sourcils à chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler. Comment l'idée t'est venue ? J'ai du mal à... C'est arrivé comme ça, en fait. Après, je me suis rendu compte en fait, qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient ça. Mais c'est parti d'un, on va dire, d'un besoin. J'avais certains morceaux qui étaient déjà prêts. J'avais très envie de faire de la scène. J'en faisais déjà. Et étant donné que je connais un peu, on va dire, les différents processus, quoi, c'est-à-dire, une fois que tu as normalement... Dès que tu as fait un single ou voire un maxi, tu le présentes dans des salles, dans des bars, et là on t'accueille. Ou sinon, bon, tu peux, un très simple, juste dire que tu as un répertoire et aller dans les bars. Moi, ce que je voulais, c'était avoir un rapport un peu plus, on va dire, privilégié avec les gens. Et donc, j'ai commencé à travailler sur ce concept-là, Flexence, qui au départ, en fait, était vraiment des morceaux avec ma loupe, où je fais des percussions vocales, où je rappe directement dessus. Et j'avais vraiment plusieurs vibes. Quoi. J'avais des vibes très, très africaines, des vibes un peu plus classiques, boom bap, liées aux États-Unis, mais j'avais aussi des vibes caribéennes. Et pendant, on va dire, à la fin de l'année 2011 ou 2012, j'oublie, ouais, 2011, j'ai invité des gens chez moi pour qu'ils viennent vraiment écouter ce que je faisais. Et ça s'est très bien passé, c'est-à-dire que les gens étaient assez réceptifs. Et c'est un jour, Timalo, à qui j'envoie une belle dédicace, qui était venu en fait un soir où j'attendais finalement personne et qui est venu chez moi, qui a écouté le projet et qui m'a proposé, il m'a dit mais pourquoi en fait tu rassemblerais pas tous tes morceaux sous forme d'escale, parce que tu dis ouais, enfin quand tu présentes certains morceaux tu dis bon là on va partir dans tel pays, mais ce qui serait bien de faire c'est vraiment proposer des escales aux gens. Et du coup j'ai dit mais enfin c'est vrai, t'as raison quoi, enfin tout est lié, j'ai effectivement des vibes plus dans des vibes d'Afrique de l'Ouest, plus caribéenne, plus celle des États-Unis. Donc pourquoi pas rassembler ça en termes de voilà d'escale. Et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est avant de penser marketing, juste faisons les choses. En tout cas moi c'est vraiment la démarche que j'ai. Et le fait d'avoir rencontré des gens et puis d'avoir que mon projet ait pu être écouté par d'autres artistes ou voir des gens qui même des fois qui n'écoutent pas spécialement de musique, ça m'a permis de plus d'affiner les choses quoi. Et j'ai commencé à faire un show chez un particulier, ça devait être peut-être en février 2012. Entre temps j'en ai fait plusieurs, j'en avais peut-être un par mois pendant 4 mois, et puis au fur et à mesure voilà, enfin j'ai continué. En fait, la raison pour laquelle je tenais à t'inviter, donc c'était pour l'originalité de ce projet, parce qu'on parle de voilà comment les artistes aujourd'hui s'adaptent à l'évolution de la demande dans la musique, etc. Donc on va dire d'une façon très moderne, puisqu'à la fois il y a ce rapport direct avec le public, puisque là tu vas carrément chez lui, donc c'est vraiment l'ère du 2.0, etc. d'une part, et d'autre part, ce qui me frappe aussi, c'est l'aspect, on va dire, minimaliste. Alors, pas forcément stratégique, mais il est vrai que tu te déplaces, enfin, tu es autonome, quoi. Tu as ta sono, tu es tout seul. C'est un coût, mais. Voilà, c'est un coût. Mais c'est normal, mais on va dire que c'est quand même très rationalisé par rapport à ce qu'aurait été une grosse production pour un concert avec tout un band, etc. Oui, oui. Et je pense que ça fait aussi partie, ce côté, on va dire, rationalisation de la formule proposée. Je voulais savoir un peu tous autour de la table. Quel est votre rapport à la scène, vu qu'on a tendance à dire que maintenant que l'album est en perte de vitesse, etc., la solution passe par la scène. Quel est votre point de vue à chacun dessus ? Les dames d'abord. Mais moi, je pense que, justement, tu parlais tout à l'heure du fait que les majors se plaignaient qu'Internet tuait le business, etc. J'ai tendance à considérer l'album ou la version l'album comme une pub pour le concert. Je pense que en tant qu'artiste, c'est sur scène qu'on montre ce qu'on est. On n'est pas c'est pas en studio qu'on va prouver qu'on sait chanter ou même qu'on va donner des vibrations aux gens. Et puis finalement, bon, on a l'habitude de voir des superstars qui gagnent des milliards, etc. Mais la musique, c'est un métier comme un autre. Est-ce qu'on est vraiment fait pour Et je pense que finalement, notre paye, c'est ça, quoi. C'est ça, notre revenu, c'est la scène, c'est le fait d'avoir un public, de jouer. On fait un album pour leur montrer ce que c'est, pour leur donner envie de venir nous voir sur scène après. Et ensuite, on fait nos tournées. Et pour moi, c'est le plus important, en fait. C'est là, fin mai, on bosse avec Supa Congo. Ce qu'on prépare, justement, c'est le show. On va bosser, effectivement, les instrus, tout ça. Mais ce qu'on prépare, c'est vraiment un show où les DJ jouent avec moi. Il y a des échanges, il y a du looping, il y a des musiciens, il y a du samplage en live. Et c'est vraiment ça, c'est ça qui m'excite dans l'aventure, en fait. C'est de me dire, je vais être sur scène, je vais faire ça. Les gens, ça va les impressionner. Ils vont voir que, waouh, le hip-hop, c'est large, je chante, mais en même temps, les DJ derrière, ils font des trucs, ils rebalancent ça rappe. Tiens, il y a un bassiste qui arrive, qui nous fait 3 notes, on récupère ces 3 notes-là, on les remet en boucle, on met des drums dessus, et regarde, ça fait du son. Je crois que c'est vraiment ça qui est intéressant. En même temps, en plus, ils voient la démarche qu'on a quand on travaille. Et moi, je pense que vraiment, la scène, c'est donc, le plus important. Et donc, par exemple, pour le projet donc, Jazzy Town Tales, pour lequel tu recherches un financement... On espère que tu vas obtenir... on est à jusqu'à quand d'ailleurs pour participer ? On a encore 10 jours là, jusqu'au 15. Voilà, donc en fait, il ne va pas uniquement servir au financement du EP, enfin de l'album. Non, non pas particulièrement parce que... Il y a les deux, ça va pas... dans mon travail, il y a beaucoup de collaborations, de choses comme ça. On s'apporte des choses mutuelles, etc. Mais il y a les frais quand même. Faut presser le CD, faut faire ça. Et donc, du coup, il y a une partie des fonds qu'on va utiliser pour ça. Mais après, je pense qu'il y a bien la moitié qui va plutôt aller pour faire venir les musiciens, parce que on est musicien, donc on est pauvre. Faut payer des billets de train, faut les faire descendre, faut se nourrir, et puis faut pouvoir bosser dans des conditions qui font qu'on n'est pas en train de penser à comment je vais faire pour gérer, pour descendre, et comment je vais faire pour remonter, et réussir à s'enlever des problèmes superflus pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel, le son et notre vibe. Doré. La musique a d'abord commencé par le live, hein. Rappelons-nous les troubadours à l'époque qui venaient chanter devant les rois avec quatre cordes qui n'étaient pas forcément accordées. Donc forcément la zic est obligatoire, c'est obligatoire, hein. Si on se dit qu'on est chanteur, on est musicien, on est tout ce qu'on veut, il faut pas faire du live, faut faire de et quand je dis du live, ça veut pas forcément dire que tu viens avec 12 musiciens, mais que tu t'adresses à un public directement sans passer par la vitrine du studio. Et moi, de toute façon, c'est ce que je défends, hein. Ma musique est tournée véritablement sur le live. Et je dis que c'est là où on sait vraiment si on est un zikos ou c'est une passion temporaire. Exact. Donc voilà quoi. Donc après, après c'est vrai qu'il y a un coup, j'admire ce qu'il fait lui. Parce que sincèrement, déjà, il faut oser aller chez les gens. C'est ça, parce que les gens, tu sais, ils sont versatiles. Hein. C'est un jour où ils sont bien, un jour je te confirme que c'est bizarre. Ah ouais. Il faut oser parce que sincèrement, voilà quoi, c'est aller chez quelqu'un, chapeau mec. Bon, Edson en fait dit ça parce qu'il a fait partie de mes invités, enfin lors d'une session, et c'est vrai que c'était un jour assez particulier. Et on était, enfin ils étaient à 30, c'était assez bouillant, fallait gérer quand même le public. Bon, c'est quand même une. Ça s'est très bien passé. Une des sessions que je retiens en fait. Et c'est sûr que le rapport au. À la scène aussi est très différente en fait. Quand on est chez des particuliers, par exemple dans un salon, et quand on est genre sur scène, donc un petit peu élevé, ouais, c'est pas du tout le même rapport. Vraiment, c'est très très très différent quoi. Et moi qui avant ça, qui avait déjà fait pas mal de scènes, même si je me sentais déjà à l'aise, je peux t'assurer que ça m'a donné encore une autre confiance en fait. Voilà, c'est... Mais est-ce que ce serait pas lié, je veux dire, à une nouvelle façon de pratiquer la musique, c'est-à-dire comme on disait, on peut plus attendre dans sa chambre, il faut aller chercher les gens, trouver de nouvelles occasions d'être en contact avec le public. Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, à laquelle tu réfléchis pour Mais tu sais, c'est en fait, avant les Zikos, il y a des comédiens qui font ça. Ils jouent des pièces de théâtre personnalisé pour chez les gens. Donc en fait c'est un peu comme les réunions du Perroir, tu vois, les gens ils se passent le mot et puis voilà, il y a une petite collecte et puis le mec il vient jouer sa pièce et c'est pas mal. On se dit que voilà quoi, ça se pratique déjà un peu aux Antilles, hein, dans l'esprit. Maintenant je trouve que c'est une très en plus le public a envie d'avoir ce rapport personnalisé, particulier, privilégié, oui. Intimiste avec le Zikos, et ils se disent, bon voilà, quoi, mon Wemi s'est chanté, donc effectivement, Willy, c'est un vrai chanteur, c'est un vrai rappeur, c'est une vraie chanteuse, et donc c'est pas mal l'idée. Après, comme je dis, il faut oser, parce que franchement, les gens, ils sont zarbis. Quoi. Ils te disent oui aujourd'hui, et puis le lendemain... Il y a une autre chose aussi qui est importante à dire, en tout cas, moi, quand je défends ce concept-là, c'est vraiment quelque chose d'abordable pour tout le monde. C'est-à-dire que de manière très simple, chaque spectateur en fait investit 10 euros, quoi. Chacun met 10 euros, et c'est à dire qu'on peut m'appeler, je sais pas, même là tout de suite, enfin je suis un peu évident foie là parce qu'on est obité à fait, mais ce que je veux dire, bon blague à part, mais ce que je veux dire c'est que bon, si par exemple on m'appelle aujourd'hui pour mercredi et que j'ai une disponibilité, je viendrai, et ça se fait vraiment de manière spontanée, quoi. Chacun met 10 euros, et les gens sont, si par exemple il y a plus de 10 personnes, voilà, je viens avec Doré, je viens avec Jazzy J aussi, tu vois, donc ça peut se faire en fait. C'est vraiment, je pense que, comment dire, après ça correspond aussi moi à ma personnalité en fait. Quand on parlait de stratégie, je sais que je peux le faire, que je suis à l'aise avec les gens. Après peut-être que un autre concept peut, enfin, que ce concept-là en fait peut ne pas convenir à d'autres personnes aussi, parce que elles sont dans un autre élan, et ça je peux le comprendre. L'idée, quand on parle, puisqu'on parle aussi d'industrie et de stratégie, c'est pour moi, c'est très important de savoir ce qu'on fait, pour qui on le fait et comment on va susciter l'intérêt pour les gens, en fait. Et ne pas proposer juste des choses comme ça. Bon, bah, toi, ok, t'es comme ça, donc tu vas faire ça. Enfin, ça se réfléchit, quoi. On fait la matière et ensuite, on voit ce qu'on peut faire et les différentes ficelles qu'on peut tirer. Jasmine, tout à l'heure, tu décrivais un petit peu le travail que vous prévoyez de faire sur scène, alors notamment avec Exos et Doopsis, qui semblent assez proches de ceux qu'ils proposent sous la forme du Caco Labo, oui. Qui est aussi une forme de prestation scénique un peu différente du concert classique déjà préparé. Il y a une forte part d'improvisation, on va dire. Est-ce que tu peux un peu nous... Parce que je pense que ça crée aussi un rapport plus direct avec le public dans le sens où on se met en danger. Est-ce que c'est un peu ce que toi tu vas présenter pour ton album? Oui, bah c'est pour ça en fait que je voulais bosser avec eux. C'était par rapport à la vibe Caco, justement les Caco Labo où ils invitent. Donc le concept en gros c'est on a deux DJ sur scène avec différents micros, différents instruments et le public peut participer au spectacle en venant prendre un instrument, en jouant. En venant chanter, on a même eu une fois à Saint-Anne, on avait eu un conteur qui était venu, on avait eu plein de choses différentes. Et moi j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup ce concept que je trouvais complètement hip-hop et puis complètement dans ce qui est intéressant de faire aujourd'hui. On a les moyens technologiques et puis je rêvais de faire ça un petit peu sur scène, quoi. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a des DJ qui s'appellent, ça ne sert à rien à voir, mais c'est C2C. Donc, qui vont bosser à plusieurs sur scène. Il y en a un qui mixe, il y en a un qui fait ceci, un qui fait cela. Et je trouvais ça vraiment trop, trop classe, en fait, d'un point de vue public. Et je voulais faire quelque chose comme ça. Et là, le public ne va pas pouvoir participer. Mais selon les villes où on se retrouve, il y a des musiciens qui sont dans la ville en question. Et c'est un moyen de pouvoir bosser avec les gens sur place aussi. Leur dire, tiens, bon, ben... Et puis, tout type d'instrument peut être remixé, quoi. Donc là, que ça soit du violon ou de la contrebasse ou de la guitare électrique. Vraiment, je trouve que ça nous permet d'avoir un show changeant, en fait. Peu importe où on est. On vient de parler donc un peu du mouvement Caco. Avant, j'ai une petite question en lien avec deux mouvements alternatifs, comme on pourrait dire. Mais juste avant, parce qu'on a entendu La Gâchette, on a entendu Jasmine, Jazzy J. On n'a pas encore entendu Doré, donc on va entendre un extrait de son album tout de suite, Doré. Pour Roumane. Humay, extrait de son album Mes états d'âme. J'avais deux questions encore avant la fin de l'émission, mais on va en faire une seule. On va la consolider en une. On a parlé donc du mouvement CACO donc en Guadeloupe, notamment initié par Exos. On a parlé très légèrement, je ne sais plus si c'était pendant l'émission ou avant, pendant la discussion, de toute la tendance acoustique qui est à la mode ou pas. Je t'ai entendu te prononcer là-dessus. Ouais. Ça peut être une longue discussion, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que ces deux mouvements peuvent coïncider avec ce qu'on parlait, des alternatives, on va dire, aux tendances générales. Donc, quel est votre avis là-dessus, sachant que l'acoustique depuis Soft jusqu'à aujourd'hui Easy Kenenga, des artistes comme ça, a participé à un certain regain d'intérêt pour la scène et le live, même si c'est très dépouillé. Est-ce que toi, quel est ton sentiment par rapport à cette tendance ? Puisque beaucoup de gens aujourd'hui, en Martinique, peuvent dire « moi j'aime la musique acoustique », comme s'il s'agissait d'un genre musical. Oui, mais moi, l'acoustique, surtout, mis à part. De toute façon, tu sais, les gens, ils vont toujours dire que ouais, moi, j'aime parce que, bon, voilà, quoi, c'est the place to be. Hein, mais mis à part cela, ça nous met tout de suite d'accord. Tu chantes, tu viens, tu chantes, et on sait tout de suite si tu chantes. Il n'y a pas de perte de temps. Et c'est bien parce que ça permet une certaine ouverture, ça donne la place à des personnes qui n'osaient pas. Moi, j'ai vu beaucoup d'artistes personnellement qui n'osaient pas, qui maintenant qui arrivent, qui font des choses. Donc voilà, c'est une très très bonne chose, très très bonne chose. Et puis tous les genres musicaux peuvent se retrouver dans cette forme. Complètement, parce qu'il y a des versions. Ouais, voilà. On peut avoir un morceau hip-hop. Et moi, plusieurs fois, je prenais la guitare, je commençais à faire un petit riff. Et puis sur la Guadeloupe, notamment Burnie ou différents rappeurs de là-bas, ben, ils vont commencer à poser, ça va donner quelque chose de complètement différent. Et c'est là qu'on va avoir tout le talent du texte et de l'orateur, en fait. Ça fait faire le tri. C'est vrai. Exactement, ça nettoie tout. Et en dehors, donc, de là, on parle vraiment de la prestation scénique, on va dire, là, sans filet, faire ses preuves. Est-ce que vous avez eu un ressenti, on va dire, plus au niveau des médias ? Quelle réaction, est-ce qu'ils suivent ? Que penses-tu des médias locaux, Doré ? Les médias locaux, ils fonctionnent comme les médias, les médias là, les plus gros. En fait, les gens qui sont dedans, je ne veux pas me prononcer. Bon, allez, on y va. Les gens qui sont dedans fonctionnent avec des habitudes. C'est tout simplement ça. C'est pas qu'ils ne sachent pas ce qui arrive, parce que moi je rencontre, j'ai des potes animateurs, mais ils fonctionnent par habitude. La radio a l'habitude de fonctionner comme ça. Après, il y a une politique, il y a plein de conneries qui rentrent en jeu. Mais qu'on se rassure tout de suite. Hein. En ce moment, il y a quand même des médias qui viennent vers les artistes. Moi, avant, aux Antilles, je venais les voir, c'était négatif. Maintenant, j'en ai qui viennent dans mes showcases, ils viennent me voir, ils me disent « Bon, gars, oh, emmène-moi ton truc. » Et depuis, ça va mieux. Mais voilà, quoi, c'est comme dans tout, il faut faire ses preuves. Et puis, on ne peut pas casser les habitudes comme ça du jour au lendemain. Le mur de Chine ne s'est pas construit en deux jours. Donc voilà. Et pour le mouvement CACO, on va dire, qui est quand même assez riche, beaucoup d'artistes l'alimentent. Est-ce que le retentissement dans les médias est proportionnel à la production, à la proposition musicale ? Je pense pas. Je pense vraiment qu'il y a un manque du. J'arrive même pas à comprendre qu'il soit pas plus diffusé. C'est quelque chose de novateur, c'est nouveau. Mais bon, ça reste. On se dit, tiens, mais c'est quoi ça ? On met un tambouillé là sur scène. Musique traditionnelle, c'est quoi ? C'est traditionnel ou c'est nouveau ? C'est pas encore assez D'accord. démocratisé. D'accord. Il me semble qu'on a plus beaucoup de temps. Donc, juste pour terminer, un petit tour de table pour redonner l'actualité de chacun. La gâchette, Flexence. Alors, toujours Flexence. Hein, donc, si les gens veulent un show chez eux, dans leur chambre, dans leur grenier, où ils veulent, Flexence. Ils peuvent te contacter sur Facebook, par exactement, mail. Exactement. flexence@gmail.com. Donc, Flexence, FLEXAMS, gmail.com. Voilà. Jasmine. Mais moi, si vous voulez m'aider à donne le site, mon donne album, le site. Vous pouvez venir sur Ukto, donc c'est 2OCTO. Et il vous reste 10 jours. Il vous reste 10 jours. Le projet, c'est Jazzy Town Tales. Doré, l'album Mes états d'âme. L'album Mes états d'âme est sorti, hein, c'était fin octobre 2012. Là, c'est en téléchargement récemment. Et puis, je suis sur scène le 18 Soleil Club, le 25 Marché Tropical et le 26 en partage de scène à la Chapelle des Lombards. Venez nombreux, venez applaudir. Venez et juste, excusez-moi, j'en profite, ça n'a rien à voir, mais je serai avec mon groupe en concert le 17 mai à la Seine-Bastille, hip-hop créole en première partie de Washista. Donc, n'hésitez pas. C'était Kone Lambi, Musique Jeudi, et on précise que le mois prochain, il n'y aura pas d'émission Musique Jeudi, mais le mois sera consacré au hip-hop créole, spécial hip-hop créole tout le mois de juin. Merci beaucoup. bien trop contrite. Fidji saisit